ressemble à ces villes sans âme le long des autoroutes. Ici comme ailleurs, les visages recherchent des promesses de bonheur. Et quand vient la pluie, et quand vient la nuit, sur la route des heures, les désirs, les délires et les désillusions ont des couleurs de feu au milieu des néons. Les cœurs sont brisés, mais faut pas en parler. Malgré les années, la mémoire des larmes, parmi le vacarme, la fumée, les bouteilles, des amours fragiles se disent à l'oreille, mon amour, ici comme ailleurs, j'ai besoin de toi. Ici comme ailleurs, j'ai besoin de toi. Ville ressemble à ces villes sans âme le long des autoroutes. Ici comme ailleurs, les visages recherchent la tendresse des mots. Et quand vient la pluie, et quand vient la nuit, sur la route des heures, ils sont maigres ou bien riches, des anges ou des bêtes, ils sont prêts à mentir pour un peu de chaleur. Et les cœurs brisés, ceux qui ont tout donné, épuisés, la pudeur qui cachait la douleur, dévorés par le feu, ils ont dans leurs yeux ce désir d'éternité, quand ils murmurent mon amour, mon amour, ici comme ailleurs, j'ai besoin de toi. Ici comme ailleurs, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ici, comme ailleurs, j'ai besoin de toi. La ville ressemble à ces villes sans âme le long des autoroutes. Ici, comme ailleurs, j'ai toujours en moi la douceur de tes yeux. Mon amour, mon amour, mon amour.